dernier volet de notre série consacrée à l'histoire de la cuisine. Ce matin, un débat sur les aliments qui voyagent. Pour terminer notre série sur l'histoire de la cuisine, nous allons saisir l'occasion d'un colloque qui se tient demain à Montpellier. Il est organisé par la chaire de l'UNESCO sur l'alimentation et il est consacré aux aliments voyageurs. On y débattra dans ce colloque du petit déjeuner et de son histoire. Et vous allez voir qu'elle est surprenante, mais aussi de pizza. Et sans vraiment le savoir, le monde se niche, comme on le dit aujourd'hui, dans nos assiettes. Mais cette mondialisation provoque souvent des résistances et nous allons aussi débattre dans cette émission. Mission d'aujourd'hui, des constitutions de gastronomie nationale face à la multiplication des plats venus d'ailleurs. Nous le ferons en compagnie de trois invités. Christian Grataloup, il est professeur émérite à Paris Diderot. Il est auteur d'un livre tout à fait émoustillant qui s'appelle « Le monde dans nos tasses, trois siècles de petits déjeuners » chez Armand Collin. Sylvie Sanchez est avec nous également. Elle est anthropologue, chercheuse associée au centre Edgar Morin. Et elle a publié dans les années 2000 un ouvrage pionnier qui vient d'être réédité sur l'histoire et la circulation dans le monde de la pizza. Enfin, Denis Saillard est historien. Il sera également avec nous. Il est chercheur à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Et il travaille justement sur les résistances à ces mondialisations et les constitutions de gastronomie nationale. Et pour finir cette émission, nous tenions également à rendre hommage à une exposition qui dure encore à Lyon, au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation. Et nous aurons avec nous pour en parler Isabelle Doré-Rivet. Cette exposition s'appelle « Les jours sans, 1939-1949, alimentation et pénurie en temps de guerre ». Planter café, c'est pas pour les gens fragiles, y'a qu'à se baisser, mais c'est ça qui est difficile. Fait chaud l'été, le soleil pèse des tonnes, il se fait porter, et c'est trop pour un seul homme. Moi, déjà j'ai mal au bras. Quand je pense qu'il faudra cueillir café, quand la fleur tombe des branches et mélanger la semaine et les dimanches, le patron dira ce qu'il voudra. Mon sommeil est à moi. Mouloudji, planter café pour ouvrir cette émission donc consacrée à la question des aliments voyageurs. Bonjour à vous Sylvie Sanchez, vous êtes avec nous depuis les studios de la radio qui vous accueille, à savoir vous êtes avec nous depuis Lyon, c'est ça ? Non, ah, depuis Nice. Ah, excusez-moi, je me confonds parce que nous avons deux duplex aujourd'hui avec effectivement notre invitée Isabelle Doré-Rivet qui sera à Lyon. Vous êtes avec nous depuis Nice, vous travaillez sur la pizza, mais pas simplement, vous êtes anthropologue. On va en parler dans quelques instants avec vous. Et puis en studio ici à Paris, Denis Saillard, bonjour. Et Christian Grataloup, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de cet ouvrage très excitant dont vous parlerez d'ailleurs dans le colloque de demain de l'UNESCO à Montpellier qui s'intitule « Le monde dans nos tasses, trois siècles de petits déjeuners ». Vous nous expliquez, et peut-être certains d'entre nous et certaines d'entre nous qui nous écoutent sont devant leur petit déjeuner, que ce petit déjeuner n'a rien de locavore en l'occurrence. Ah, pas du tout. Justement, c'est à partir du moment où on a inventé une expression nouvelle qui est petit déjeuner, c'est-à-dire non pas le premier repas du matin, ce que toutes les sociétés font, mais un premier repas composé de produits exotiques, de produits d'outre-mer, le thé, le café, le chocolat et pendant longtemps le sucre, qui était exclusivement de canne, ont des matières premières qui viennent de très loin. Ce qui suppose que pour les Européens, ce ne soit pas une affaire récente. Enfin, ancienne, je veux dire, au contraire, ça remonte au début du 18e pour les plus riches et pour la reste de la population au 19e pour les urbains et ça s'est diffusé plus lentement. Ça veut dire que c'est une histoire très récente en fait que vous nous racontez, cette histoire du petit déjeuner tel qu'on le consomme aujourd'hui en l'occurrence. Tout au plus 3 siècles. Oui. L'expression petit déjeuner, l'adjectif petit, c'est du début du 19e siècle, c'est parisien au départ et ça ne s'est pas d'ailleurs totalement généralisé puisque l'expression déjeuner pour repas de midi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout universel dans la francophonie. Il suffit d'aller en Suisse, en Belgique et même encore dans des régions provinciales françaises, on peut rencontrer l'expression déjeuner pour le repas de midi, et plutôt dîner à midi et souper le soir que déjeuner. Alors vous êtes géo-historien et vous nous avez habitué justement à mélanger justement les apports de l'histoire et de la géographie ensemble. Et c'est un objet, tout compte fait, qui est tout à fait adéquat pour pouvoir justement traiter de cette question-là. Géographie, le temps et l'espace en même temps dans un objet qui s'appelle le petit déjeuner, en l'occurrence Christian Grataloup. Oui, comme vous avez dit, c'est pas du tout locavore. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui met en rapport des régions tropicales, puisque toutes les plantes concernées, le théier, le caféier, le cacaoyer, la canne à sucre, mais aussi d'ailleurs le jus d'orange, hein, sont des plantes qui ne supportent pas l'hiver. Ce sont des plantes tropicales ou subtropicales. C'est donc quelque chose qui est à la racine même du Nord-Sud. Derrière le petit déjeuner, il y a par exemple l'histoire de la traite négrière. Mmh. Bien sûr, et on apprend dans votre livre, on est tout proche de ce que certains historiens anglo-saxons comme Eric Hobsbawm avaient appelé invention de tradition. Combien il y a d'inventions de tradition autour de la table et en particulier autour de ce petit déjeuner? Moi, j'ai appris en vous lisant, j'en étais très surpris, que le thé à la menthe, par exemple, que tout le monde déguste dans les en conclusion d'un bon repas dans un restaurant algérien ou dans un restaurant d'origine marocaine en France, par exemple, ce thé à la menthe est une invention relativement récente. Puisqu'effectivement, auparavant, et ça date d'un siècle et demi, expliquez-vous, eh bien, ce thé à la menthe n'existait pas dans les régions qui sont censées aujourd'hui, dont il est censé représenter une partie du patrimoine gastronomique, Christian Gattel. Oui, l'épicentre, c'est le Maroc, et ça s'est diffusé non seulement dans tout le Maghreb, mais jusqu'au Sahel. Le thé à la menthe a supposé les importations de thé, et... D'ailleurs, c'est très visible même dans le vocabulaire en arabe dialectal maghrébin. On ne dit pas chai comme en arabe classique, comme dans toutes les sociétés qui ont connu le thé par la route de la soie, y compris la Russie, où on dit chai ou des dérivés. On dit thé. Athé ou thé pour en Afrique du Nord, parce que c'est venu par l'Ouest, en fait, et non pas par l'Est, par les navires britanniques ou hollandais qui ont importé le thé au Maroc avec un pic d'importation, un moment clé qui est au milieu du 19e siècle, la guerre de Crimée, lorsque les Anglais ont eu de gros stocks, entre autres à Gibraltar, et qu'ils ont cherché des marchés nouveaux, dont le Maroc. Ce qui fait que les Marocains ont été amenés à mettre du thé dans leur infusion de menthe. On ne devrait pas dire un thé à la menthe, mais une menthe au thé. Ça serait plus logique. Denis Saillard, on sait, quand on s'intéresse à cette histoire de l'alimentation, que les Français, les historiens français en particulier, ou les géo-historiens comme Christian Grataloup, ne sont pas les premiers sur ce terrain de recherche, et que peut-être l'Empire britannique a eu des vertus, dans le sens où ce sont les Anglo-Saxons, et en particulier les Britanniques, qui se sont intéressés les premiers à cette question des aliments voyageurs, de leur liaison avec la colonisation, avec les empires, et en particulier leur propre empire, Denis Saillard. En effet, oui, l'Empire britannique a suscité de très très belles études, donc soit américaines, soit anglaises. En particulier, Christian Grataloup connaît bien ce livre, dans les années 80, d'un anthropologue, Sidney Mintz, sur le sucre, spécialiste des Antilles, qui a montré comment, à partir de cette denrée, non seulement le commerce allait changer, hein, le commerce mondial allait changer, mais la consommation en Occident, en particulier en Grande-Bretagne, allait changer du tout au tout le régime alimentaire des Britanniques. À partir de 1650, devient très sucré, à tel point que pendant plusieurs siècles, ce seront les Britanniques qui feront du sucre la denrée la plus consommée, et de très très loin. Alors que ce n'était pas du tout le cas, évidemment, avant 1650, le sucre étant plutôt, à la fin du Moyen-Âge, une épice, un produit, un médicament même, réservé à une élite sociale. Donc ça change complètement, et Christian en a parlé, mais avant même de parler du commerce, c'est vrai qu'il faudrait insister une seconde sur les conditions de la production dans les Antilles, au Brésil, etc. C'est-à-dire, et même avant, donc avec la traite des Noirs, c'est-à-dire que la production est faite dans un cadre d'esclavagisme absolument dramatique, mais qu'ensuite ça peut effectivement provoquer des choses assez belles au point de vue alimentaire. Alors, ce qui est intéressant, Christian Grataloup, et c'est assez rare pour être signalé, c'est que cet objet d'histoire de l'alimentation, c'est un objet qui peut mobiliser toutes les sciences humaines. Vous êtes géographe et historien, géohistorien. Denis Saillard, qui est ici, est historien. Sylvie Sanchez est anthropologue, on va l'entendre dans un instant. Et tous les trois, vous pouvez travailler sur ce même objet, avec des regards un peu différents, mais néanmoins, en mobilisant de l'histoire, de l'anthropologie, de la géographie, pour pouvoir justement travailler sur cette circulation des aliments à travers le monde. Oh, c'est formidable, oui, parce que l'alimentation, c'est un objet social total qui inclut l'idée de repas, qui est un fait social différent des autres mammifères, qui inclut évidemment par la production agricole un contexte environnemental extrêmement important. Pour le petit déjeuner aujourd'hui, il y a un débat entre les locavores au sens militant, d'une part, et puis le commerce équitable, hein, qui est un élément tout à fait fort. Et de ce fait, des disciplines plus marginales que l'histoire, comme la géographie ou l'anthropologie, si Mines et anthropologue et spécialiste du Nil-à-Sucre, la Jamaïque, hein, au départ, c'est quelque chose qui a permis de s'intéresser au rapport qui est très, pour moi, géohistorique, c'est-à-dire de voir le lieu de production et le lieu de consommation qui sont situés à des milliers de kilomètres les uns des autres. C'est parce que la production de la consommation de sucre, mais aussi de thé, de café ou de chocolat, explose en Europe au XVIIIe siècle que les plantations se multiplient et que la traite négrière... on ne pense pas forcément, évidemment, à ce type de phénomène. Je sais que quand je raconte ces histoires-là, il y a des gens qui m'ont dit avoir complètement modifié leur petit déjeuner, s'être mis à prendre de la menthe ou des produits locaux et surtout pas participer à quelque chose qui plongeait dans les racines esclavagistes. Je pensais pas aller jusque-là, hein. Je ne tiens pas à faire cet effet sur les gens qui sont en train de prendre leur petit déjeuner. Sylvie Sanchez, je disais tout à l'heure que vous aviez été pionnière, c'était dans les années 2005-2006, en travaillant sur la question de la pizza, cette pizza qui vient d'entrer au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, et vous allez intervenir demain donc dans ce colloque de Montpellier sur ce thème de la pizza. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand on suit l'histoire de cette pizza, qui est d'ailleurs assez difficile à suivre cette histoire parce qu'elle n'est pas terriblement documentée, on la voit naître. Évidemment du côté de Naples, mais elle ne ressemble pas beaucoup à la pizza que nous consommons aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette pizza, il faudrait dire ces pizzas que nous consommons aujourd'hui, sont toutes différentes parce que cette mondialisation, cette circulation a provoqué des naissances de recettes un peu partout dans le monde, Sylvie Sanchez. Effectivement, donc du point de vue de l'anthropologie, là, la pizza... elle traite d'abord de questions d'identité, hein. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a différentes formes, j'ai pas envie de dire simplement recettes, parce qu'il y a tout le rituel de consommation, il y a toute l'histoire des cultures qu'on peut lire à travers ces différentes formes de pizza qu'on trouve aujourd'hui à travers le monde. Alors, il y a des formes de consommation très différentes. Vous dites en tous les cas que la première pizza telle qu'on peut la concevoir ou qu'elle est documentée, c'est aux environs du XVIIe siècle du côté de Naples, qu'elle ne ressemble pas du tout à la pizza que nous consommons aujourd'hui, qu'on met dessus du saindoux ou de la graisse, quelques herbes, un peu de sel et que c'est à peu près tout. Évidemment, la tomate n'arrivera qu'après. Avec cet aliment migrateur qui est la tomate venue des Amériques. Et puis ensuite, elle sera lentement et progressivement transformée de pizza blanche en pizza rouge. Et cette pizza rouge va migrer par-delà l'Atlantique vers les États-Unis et va nous revenir en boomerang depuis les États-Unis avec des versions très variées et très différentes de celles que nous connaissions auparavant et en particulier que connaissaient les Napolitains au XVIIIe ou au XIXe siècle, Sylvie Sanchez. Tout à fait, mais par contre, il ne faut pas oublier que les formes initiales, finalement, ne disparaissent pas. Mmh. C'est-à-dire la pizza très simple des origines, la bianca, avec quelques herbes et un peu de gras, on peut toujours la commander aujourd'hui en pizzeria napolitaine. Mmh. Mais elles ne disparaissent pas, mais néanmoins, elles sont additionnées de tout un tas de nouveaux ingrédients. Et surtout, la vertu de cette alimentation, c'est qu'elle est immédiatement adaptable à l'endroit où elle se trouve. C'est-à-dire que c'est une pâte circulaire, une pâte abaissée circulaire, comme on dit, et on y met à peu près ce qu'on veut. On peut y mettre de l'ananas, on peut y mettre des pizzas sucrées, des pizzas salées, on peut y mettre des sushis, dites-vous. On trouve même de la pizza au sushi au Japon. Et donc, c'est cette vertu d'adaptation qui en fait un plat mondial. Expliquez-vous, Sylvie Sanchez. Effectivement, en fait, c'est simplement au départ son principe culinaire, qui est cette pâte à pain garnie de choses diverses. Dans les définitions initiales de ce qu'est la pizza, c'est à peu près aussi large que ça. Donc, à partir de ce principe de base, c'est une caractéristique qui la rend éminemment adaptable. Quand elle va se mettre à circuler avec le déplacement des Napolitains, où qu'elle arrive, elle va pouvoir être ajustée à la fois au niveau gustatif et puis à des choix beaucoup plus compliqués qui sont des options techniques où on retrouve beaucoup de choses dans l'histoire de la pizza. Il y a l'histoire des idéologies, enfin, locales, du rapport à l'alimentation. Tout ça, ça va se traduire sur ce support de pâte, on peut dire. Et c'est loin d'être une métaphore. Mmh. Et c'est d'ailleurs, alors c'est aussi une métaphore parce que vous expliquez bien, par exemple, que l'invention de la Chicago Pizza Pie à l'américaine est due à un Texan et à un Italien qui ont d'abord tenté de se lancer dans le restaurant mexicain qui n'ont pas marché dans les années 40 aux États-Unis et qui donc vont inventer cette pâte levée dans un moule qui va être cuite en 45 minutes et pas en quelques minutes comme la pizza traditionnelle. Sur laquelle oui. Ils vont ajouter des couches et des couches et des couches pour montrer l'abondance et la surabondance de la gastronomie de la façon de vivre aux États-Unis. Une couche de fromage, une couche de viande, une couche de fromage, une couche de pepperoni, etc., etc., pour montrer la richesse de ce nouveau pays qui est le leur depuis peu de temps. Voilà, il y a, c'est la partie, une des parties les plus intéressantes pour moi de cette histoire de la pizza, c'est qu'on y lit aussi les mythes et les idéologies fondatrices des pays qu'ont rejoint les migrants napolitains. Donc là, en l'occurrence, aux États-Unis, la question de l'abondance disponible pour chacun et des choix, c'est quelque chose d'essentiel. Et qu'on retrouve donc sur cette pizza qui s'est enrichie sans limitation, mm-hmm. en fait, pour les États-Unis. Et donc là, typiquement, on a une des lignées de la pizza qui s'est constituée là-bas et qui inverse en fait le rapport entre la proportion de pâte et la proportion de garniture. mais ça va être vraiment le trait distinctif. Alors, il faut pas dire simplement de la pizza américaine, c'est la pizza de fast-food américaine. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, il y a aussi une variété de déclinaisons incroyables, y compris des pizzas très très italiennes ou très gastronomiques. Comme la New York très délicate, pizza, on va dire. Oui, c'est ça. Ou la par New York, exemple. Voilà, qui se veut l'opposé de cette pizza de Chicago. Et vous nous expliquez bien, là, c'est très, très intéressant, combien cet amas de nourriture sur une même surface correspond au Cincinnati Chili, par exemple, ou encore au hamburger. Donc, on ramasse sur une surface relativement petite l'ensemble de ce qu'on va manger. Et ça n'est plus un repas diachronique, dites-vous, mais c'est... synchronique. C'est un repas synchronique, on mange tout en même temps. Denis Sayard. Oui, mais on peut aussi citer le bagel, par exemple, hein, qui, bien entendu, est originaire de Pologne, mais qui a été réinventé d'une certaine manière à New York très récemment et qui est en train de conquérir la planète à la façon du hamburger. Ce qui est très intéressant, Christian Grataloup, c'est que on n'est jamais très loin avec la question de l'alimentation, de l'industrie, et que pour le petit déjeuner, vous nous montrez bien combien l'industrialisation de la nourriture a participé aussi à la popularisation du petit déjeuner à travers le monde entier, Christian Grataloup. Le petit déjeuner tel que l'Europe l'invente au XIXe siècle est très lié à la révolution industrielle, hein, tout simplement. C'est-à-dire que non seulement il y a des productions industrielles, c'est le lieu où s'invente l'agroalimentaire, mais c'est lié aussi au rythme de vie. Par exemple, c'est associé au réveil matin, à la douche. Enfin, c'est des choses qui fonctionnent, des inventions qui fonctionnent en même temps. Mais précisément, le petit déjeuner, par son caractère très rapide à préparer, c'est quelque chose où l'agroalimentaire, effectivement, a explosé dès le départ, dès le moment où on s'est mis à mettre, par exemple, du thé, du café ou du chocolat dans les alimentations populaires. Il a fallu des préparations en amont, non seulement parce que ça vient de loin, ce qui suppose effectivement des grandes entreprises, et en amont, il y a les compagnies des Indes, mais parce que ça suppose aussi des transformations, c'est particulièrement pour le café et le chocolat. C'est des choses qu'on ne peut pas directement faire chez soi, il y a tout un tas de préparations en amont. Donc ça suppose toute une industrie agroalimentaire, mais aussi des outils maison nouveaux qui vont de la cafetière au grille-pain. Oui, c'est ça, évidemment. Et vous nous expliquez aussi, Sylvie Sanchez, combien dans ce territoire américain, ben, par exemple, l'invention par un prêcheur, Kellogg, des céréales peut avoir, ou c'est vous qui nous l'expliquez, je ne sais plus. Non, j'ai pas Kellogg, oui. Que cette invention de ces céréales, par exemple, au petit déjeuner, eh bien, c'est aussi une vision industriel, gouvernemental, également lié à la question de la morale qui se met en place par rapport à d'autres types de petits déjeuners. Sylvie Sanchez, c'est chez vous que j'ai lu ça ? Alors, effectivement, j'aborde la question notamment pour indiquer les rapports à l'alimentation et la façon dont ils vont avoir une influence sur le devenir de la pizza. Là, en l'occurrence, aux États-Unis, c'est aussi pour dire que la médecine, la diététique et l'industrie et l'alimentation ont toujours fait bloc, hein, ont toujours avancé de front ensemble, alors qu'en France, on a distingué assez, je sais pas, dès le 17e, en fait, la diététique de la médecine, et ça donne un rapport à l'alimentation et au déroulement des repas tout à fait différent. Oui, c'est la question du plaisir qui est autorisée, en particulier de Denis Saillard. Bah oui, c'est la grande question, plaisir ou nécessité, plaisir ou diététique, plaisir ou santé. Et aux États-Unis, les deux questions sont souvent séparées, alors qu'en France, le choix pour le plaisir, en général, parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, est en général fait, oui. Ce qui est moins le cas pour le petit déjeuner, où souvent c'est le contraire, l'aspect pratique qui domine, et les céréales qui sont souvent un point de débat, y compris au sein des familles. C'est pour ça que c'est un repas particulier, le petit déjeuner. Voilà, les céréales, effectivement, c'est du produit agroalimentaire type, mais qui descend des bouillies, qui était un des éléments classiques de l'alimentation en général, en Europe et ailleurs d'ailleurs, et le porridge tout précisément, sauf que c'est des choses qui demandaient d'être cuites à l'avance, le porridge, et donc on a fait des choses instantanées en cuisant à l'avance des céréales. Ça replonge même dans quelque chose qui a été un laboratoire, pas seulement pour l'alimentation, mais en particulier, qui est la guerre de sécession. On y a inventé le lait en poudre, ce qui va être important. Sans ça, on ne ferait pas de chocolat au lait. C'est Nestlé, qui est l'homme qui a associé les deux. Mais les céréales, c'est effectivement un médecin qui s'appelait Kellogg, qui les a utilisés pour des malades. Et il avait un frère qui était très puritain. Voilà. Et tout cela est associé à un contexte extrêmement puritain, comme d'ailleurs le chocolat lui-même aussi. Bien sûr. Ah oui. Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Le chocolat, c'est pour ça que c'est le chocolat suisse. Oui, oui. On comprend pas le chocolat suisse si on ne le situe pas dans une certaine internationale protestante. La tablette de chocolat est une invention anglaise, c'est Fry à Bristol, mais qui était quaker et qui faisait des tablettes pour pouvoir dissuader les enfants de plonger dans l'alcool. Et les protestants, via la Belgique d'ailleurs, qui est effectivement une vieille terre de chocolat puisque c'était espagnol, via la Belgique, le chocolat s'est développé en Suisse dans la fin du 19e siècle, avec l'invention des carrés, qui sont des rectangles, enfin des carrés de chocolat, pour les partager équitablement entre les différents enfants. Il y a tout un arrière-plan moral protestant là-derrière. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est quand on vous entend tous et toutes, effectivement, on comprend combien ce sujet de l'alimentation est bien plus large que ce qu'on pense généralement de cette histoire-là. Ne me parlez plus, oh non, jamais plus. Je vous prie de l'Italie. Ne me dites plus, oh non, jamais plus. Oh non, c'est joli en Italie. Quand on a tout comme moi, pendant des mois, matin et soir, vendu des disques, des tas d'air de Napoli, Rome ou Capri, je vous le crie, plus de musique. Ne me parlez plus, oh non, jamais plus, oh non, je vous prie. Des cannelloni, ne me dites plus, oh non, surtout pas, oh non, c'est exquis. Les raviolis, quand on a en face de soi une trattoria qui sert des plats de pasta chuta, de la stie, des salamis, des spaghettis, tutti frutti, et puis des pizzas. La la la. C'était Caterina Valente, Amour, Pizza et Mélodie. Sylvie Sanchez, vous posez une question essentielle dans votre travail sur la pizza, c'est pourquoi la pizza s'est-elle détachée de toutes les autres cousins qu'il pouvait y avoir, c'est-à-dire la crêpe, la piadina, la flamencuche, tout compte fait, c'est à peu près la même chose, mais il y a beaucoup moins de flamencuche à travers le monde ou de crêpes répandues. Enfin, les Bretons, évidemment, ont réussi en partant pas mal de Bretagne à l'imposer un peu partout, mais néanmoins, ça n'a pas le succès planétaire de la pizza. C'est difficile de répondre à une question comme ça, même quand on est anthropologue et qu'on y travaille depuis longtemps, comme vous, Sylvie Sanchez. Effectivement, mais là, l'idée principale, peut-être, c'est de retenir que l'alimentation, c'est d'abord une histoire d'identité. Et cette pizza, donc, l'histoire de sa diffusion commence avec l'immigration napolitaine et l'immigration italienne de façon plus large. Le principe, c'est que quand tous ces immigrés se sont retrouvés donc en dehors de chez eux, à la fin du 19e siècle, ils sont partis de chez eux sans identité réellement commune. Il n'y avait pas de cuisine commune, il n'y avait pas, l'italianité n'était pas encore construite. Tout ça, ça va se construire en dehors de chez eux. Et les Italiens qui viennent de différentes régions ont en commun à cette époque-là une spécialité de pâte et puis une espèce de pizza locale. Dans toutes les régions d'Italie, il y a quelque chose qui ressemble à la pizza. Et en dehors de chez eux, ils vont choisir ces deux éléments communs pour fabriquer une identité italienne, extérieure. Mais qui n'existe pas en Italie. C'est extérieure, ça. Exactement. Et vous dites d'ailleurs que la pizza arrivera plus tard en Italie du Nord qu'elle n'arrive aux États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que les Italiens du Nord ne consomment pas de pizza jusqu'au milieu du XXe siècle, à peu près, et que, en revanche, déjà depuis longtemps, à la fin du XIXe et au début du XXe, on consomme beaucoup de pizza aux États-Unis, Sylvie Sanchez. Alors oui, aux États-Unis et en France, en fait, l'idée pour la diffusion de la pizza sur le territoire italien, c'est qu'elle est restée très très longtemps liée à l'image de l'immigration pauvre napolitaine. Donc c'était plutôt un mets repoussoir. Et il faut qu'elle transite par l'étranger, et donc notamment les États-Unis, pour que son image soit redorée, hein, on appelle ça une revalorisation, on va dire. Là, tout à coup, la pizza, c'est quelque chose qui renvoie au fait de sortir le soir, à l'Amérique à la mode, etc. Et donc là, à Milan, les gens plus aisés sont prêts à recevoir cette pizza. Qui demeure très très exotique chez eux, jusque même dans les années 70. Moi, j'ai des récits d'entretien où les Italiens me racontent qu'ils étaient allés à Naples manger la pizza et que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était une expérience exotique, voilà. Sur ces questions, on peut dire, Denis Saillard, qu'il y a à la fois cette façon de se répandre dans le monde pour l'alimentation, mais aussi des crispations identitaires, on a parlé d'identité, des crispations identitaires qui sont le pendant de cette popularisation des produits exotiques dans le monde entier, et en particulier dans cette crispation identitaire, la question de la gastronomie, l'idée même qu'il y a des gastronomies nationales qui vont se créer au fur et à mesure et qui vont donc s'interdire d'une certaine façon ces influences extérieures, Denis Saillard. Oui, effectivement, la confrontation avec l'étranger, l'autre, et là sur la question du goût, crée souvent du dégoût. Parce que je pense que c'était sur votre antenne il y a quelques années, une des dernières émissions à laquelle il a participé, Umberto Eco, mm-hmm. qui racontait un voyage en Inde, et il discute avec le chauffeur de taxi, je pense, qui conduisait depuis l'aéroport, et le chauffeur de taxi indien était très intéressé par l'Italie, le Colisée, etc. Et il avait posé une question à Umberto Eco en lui demandant « Mais vous, les Italiens, c'est qui votre ennemi ?» Et ça avait complètement surpris. Et effectivement, les populations, que ce soit la religion ou les nations, se construisent souvent par rapport à quelqu'un d'autre. Or, tout ce qui est lié au corps, donc que ce soit la danse, la musique et l'alimentation particulièrement, parce qu'on incorpore les aliments, crée effectivement, bien entendu, des réactions positives, mais souvent aussi des dégoûts, comme l'avait montré Didier Francfort dans le livre qu'on avait fait ensemble. Sur le goût des autres. Sur le goût des autres, voilà. Goût et dégoût sont absolument inséparables. Et des tensions, ça peut même, l'alimentation peut même être instrumentalisée dans des propagandes de guerre. C'est ce que j'avais démontré pour, dans le conflit il y a 20 ans, dans l'ex-Yougoslavie. Oui. Où, bien entendu, il y a des religions. On a tous en mémoire des mosquées ou des églises détruites. Mais dans la propagande de guerre aussi, l'alimentation était un élément clé. Oui, d'ailleurs, vous posiez la question dans ce travail que vous avez mené sur l'ex-Yougoslavie, pourquoi il n'y avait pas eu, au bout du compte, création ou naissance d'une cuisine yougoslave, mais qu'on avait continué à faire une cuisine serbe, une cuisine slovène, une cuisine croate, et que l'instrumentalisation de ces cuisines nationales avait participé aussi aux propagandes adverses dans le conflit ex-yougoslave. Mais dans un autre travail que vous avez mené, que vous avez dirigé avec Françoise H. Bissette, qui s'appelle Gastronomie et identité culturelle française, vous notez par exemple que à l'occasion de l'exposition coloniale, il y a un auteur qui écrit « Il y a gros à parier que quelques pensionnaires de notre exposition coloniale, après avoir goûté aux fricots européens, ne se contenteront plus de riz ou de maïs cuit à l'eau. Et je ne serais pas étonné que dans quelques années, un voyageur égaré dans la brousse puisse se régaler à l'improviste d'un lapin sauté ou d'une perdrix aux choux palmistes. Le besoin crée l'organe. Lorsque les indigènes du Centrafrique seront initiés aux joies de la bonne cuisine, ils ne songeront plus à manger leurs semblables, car entre nous, un gigot de nègre, ça ne doit pas être fameux, écrivait cette personne qui, dans un autre passage et dans un autre article de Paris Midi en 1931, disait que toutes ces façons d'accommoder le riz que nous ne savons absolument pas cuire en France, vous apporteront de véritables révélations gastronomiques en étant allé justement dans les restaurants de cette exposition coloniale. Donc il était pétri de contradictions, comme beaucoup en l'occurrence. Il reconnaissait le travail gastronomique de ces populations qu'on avait fait venir pour pouvoir faire des restaurants gastronomiques à l'exposition coloniale, tout en lorgnant leur qualité gastronomique, en l'occurrence de Nice. D'autant plus que le dernier texte que vous avez cité, ce sont les années 30, bien connus pour leur xénophobie et leur antisémitisme aussi. Je parlais tout à l'heure du bagel, d'origine polonaise, juif polonaise. Il y a dans cette presse quotidienne, hebdomadaire française des années 20 et 30, 30 surtout, une ambivalence effectivement par rapport à ce qui vient de l'étranger, parfois même une fascination, mais qui n'arrive pas chez certains, surtout donc ceux qu'on peut qualifier d'essentialistes, ils n'arrivent pas à passer le cap d'une assimilation de ces produits, même que quand ils vont à l'étranger, par exemple Kurnowski, quand il fait son voyage en Extrême-Orient, avant la guerre de 14, le prince des gastronomes, a des très belles pages sur cette cuisine, mais pour la fusionner avec la française en France, il n'en est pas question. Oui, d'ailleurs, il faut noter que le titre de Paris Match de la semaine dernière s'appelait Paul Bocuse, le bon goût de la France. Alors, on sait combien, d'abord, il a exporté le goût français, supposé français, dans le monde entier par l'intermédiaire de ses restaurants, mais combien aussi il a incorporé dans sa propre cuisine des choses venant d'ailleurs. Christian Grattalou, c'est une ambiguïté, justement, ouverture et en même temps clôture, volonté de se fermer sur soi-même et d'imaginer des recettes originelles qui n'auraient pas bougé, en l'occurrence. Pour l'alimentation, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres traits de civilisation, quand on n'est pas très en contact, quand on ne connaît pas les autres, on fait généralement la même chose que les autres. Alors, ce n'est pas forcément avec la même céréale ou tout à fait avec les mêmes adjuvants, mais en gros, les cuisines se ressemblent beaucoup plus que quand elles ont à se distinguer les unes des autres. Et en même temps, elles échangent leurs produits, les éléments circulent et l'on a des éléments à la fois de mondialisation et de différenciation. le petit déjeuner que j'ai étudié, c'est un truc qui paraît pour le plus mondial qui soit. On trouve dans les hôtels internationaux la même question, thé, café au chocolat, le même type de buffet, bon, avec à peu près les mêmes choses. Il suffit généralement d'aller à tout. English breakfast ou continental breakfast. Voilà, il y a cette différence où les Britanniques ont voulu garder et créer, c'est une invention du 18e siècle, l'English breakfast, hein, c'est vrai. Plus ancien, oui. Ça s'est codifié c'est en bacon, œuf et compagnie. Voilà. Et saucisses, c'est ça. Mais thé. Thé sucré. Et en même temps, il y a très vite des différences. Dans le petit déjeuner, on va avoir du café de manière assez répandue dans le monde, mais ce qu'on y trempe, par exemple du poisson froid en Polynésie, ça peut être extrêmement varié et donner des variations locales. Dans la seule Europe, il y a une différence entre le nord et le sud, mais aussi là où sont arrivés les produits. Les Italiens ont introduit le café, les Espagnols le chocolat, d'où le chocolaté comme churros au petit déjeuner, les Hollandais, puis les Britanniques le thé. On a une géographie assez nette. Oui, l'apport de la géographie à même ma discipline, l'histoire culturelle est absolument fondamentale. Stéphane de Tabia, qui est un de vos collègues, géographe également, montrait très bien dans Le goût des autres qu'en fait, sur des espaces géographiques extrêmement vastes, 5000, 6000 kilomètres, il y a des parentés dans l'alimentation qui sont absolument formidables. Et que toute cette propagande essentialiste, cette invention de la tradition... Au point de vue scientifique, évidemment, quand on la compare à la réalité scientifique, ça ne tient pas debout. Simplement, les essentialistes pensent que c'est un ciment de la société. Certains sont tout à fait conscients que ce qu'ils disent est inventé, n'a pas, comment dire, de base scientifique. Là, on trouve l'idéologie et la politique. Pour cimenter une nation et on passe en fait sur de véritables connaissances pour avoir une propagande qui est tout à fait, pour nous, à nos yeux, et surtout à l'époque aujourd'hui de la cuisine fusion, qui à nos yeux est totalement aberrante. Oui, voilà. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est ce que vous dites, Denis Saillard, et sur quoi chacun des participants à cette discussion peut rebondir, c'est que cette intégration des pratiques du quotidien et donc de l'alimentation dans l'analyse des frontières culturelles, c'est quelque chose qui est relativement récent et qui permet justement de montrer comment ces frontières sont mouvantes, comment elles bougent, comment elles ne sont jamais fixes. Vous l'avez vu, Sylvie Sanchez, pour la pizza, et vous l'avez vu, Christian Grataloup, pour le petit déjeuner, Sylvie Sanchez. Oui, effectivement, ces frontières, elles bougent. L'idée, c'est quand même de garder en tête qu'en alimentation, on a dit initialement que c'était toujours un enjeu identitaire, on veut toujours se distinguer, mais on veut aussi toujours emprunter, on veut toujours recevoir de l'extérieur, ouais. Parce que c'est toujours séduisant, voilà, on veut essayer les nouvelles choses. Et dans les systèmes culinaires, dans les cultures, il y a aussi toutes ces catégories qui sont prévues pour canaliser l'arrivée des nouvelles choses. Donc on maintient, il y a toujours un peu la crispation identitaire, et puis l'envie de prendre de l'extérieur, et tout ça, ça se mélange très facilement, finalement. Avec aussi des gymnastiques intellectuelles qui doivent justifier justement à la fois ce maintien d'identitaire, Christian Grataloup, et ses emprunts à l'extérieur. Il y a la différence entre les emprunts des produits. Et puis d'autre part, les emprunts de toute une pratique culinaire ou d'un type de plat. Tout à fait. En France, on a la pizza de Sylvie Sanchez, un excellent exemple, mais on a le fait que le couscous soit devenu un plat typiquement national. Il n'a disons d'importer comme produit que la graine ou la semoule était une pratique qui existait en France, indépendamment de la conquête de l'Algérie, avant la conquête de l'Algérie, mais qui était un élément marginal de l'usage du blé. Alors que effectivement, le fait de bouillir des légumes et des viandes en même temps, c'est vraiment le pot, l'une des pratiques les plus anciennes qui soit. On a là quelque chose qui est devenu à la fois une importation d'un rite, et il y a un dernier type d'importation qui sont les objets. De la cuisine. Ah oui, mais la tasse, par exemple. Oui, la tasse du petit déjeuner ou le bol. Enfin, la tasse, c'est un objet monde, comme j'aime bien dire, qui est d'origine chinoise pour le thé, mais qui a été utilisé pour le café quand on a inventé le café au 12e, 13e siècle dans le monde arabe, qui a été diffusé en Europe. Les Européens ont inventé l'anse de la tasse, d'ailleurs la sous-tasse également, qui elle vient plutôt de l'usage que l'on faisait du chocolat, qui dérive d'une tasse aztèque, elle, au contraire. Donc on a fabriqué comme ça des objets, cafetières, théières, chocolatières, terre elle-même étant également des objets qui se sont métissés et ont transisté tout en devenant des objets tout à fait identifiés comme tels ensuite. Et vous expliquez, Sylvie Sanchez, que l'assiette, effectivement, n'existant pas jusqu'au XVIe ou XVIIe siècle dans le service en particulier européen, eh bien, c'était le tranchoir, c'était donc la tranche de pain qui servait de support à ce qu'on allait manger. Et on mangeait tout cela ensemble, et que la pizza n'est que, d'une certaine façon, un rejeu de ce tranchoir de manière différente, Sylvie Sanchez. Effectivement, mais elle est bien plus pratique que ce tranchoir, puisque en cuisant le support et les garnitures ensemble, ça la rend mobile. Oui. C'est-à-dire ? Et la mobilité, ça peut devenir un mets de l'extérieur. Ça augmente sa visibilité et sa capacité à se faire connaître, hein, à donner envie. Aux États-Unis, en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé initialement. On voulait terminer cette émission consacrée à la mondialisation culinaire et aux aliments voyageurs sur un moment où cette mondialisation était sûrement beaucoup moins marquée qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Au moment où on était en pleine restriction, en pleine pénurie, avec la directrice du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, qui connaissait ainsi une exposition qui a un certain succès, qui s'appelle « Les jours sans ». Je vais vous interpréter « Vive le Pinard », une chanson militaire. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est « Vive le Pinard ». C'est que le Pinard, c'est que le Pinard, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, Pinard, remplis mon cœur. Vive le Pinard, vive le Pinard. Attention. Il s'agit de Michel Simon qui chante dans Le Vieil Homme et l'Enfant, le film de Claude Berry, donc Vive le Pinard, qui est une chanson créée pendant la Première Guerre mondiale au 140e de ligne par Charles-Joseph Pasquier. Bonjour à vous, Isabelle Doré-Rivet. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex depuis les studios de Lyon de Radio France qui vous accueille. Alors effectivement, faire une émission sur l'histoire de l'alimentation et évoquer votre exposition Les Jours Sans, c'est aussi évoquer l'imagination nécessaire dans des moments de restriction. Quand on lit le catalogue qui accompagne cette exposition, catalogue extrêmement bien fait qu'il faut conseiller à nos auditeurs s'ils ne peuvent pas aller à Lyon vous voir, eh bien on y découvre que par exemple en 1943, on invente le sérum de Bovidé pour lutter contre la sous-alimentation et les risques de tuberculose, et que le comité commun pour l'hygiène de l'enfance à Lyon organise à l'initiative du docteur Charles Mérieux la préparation et distribution gratuite de ce sérum de Bovidé, de sang de bovin transformé par des centrifugeuses stérilisées avant d'être réparti en flacons. Évidemment, ça fait partie de ce que l'on est contraint de manger en temps de pénurie. Oui, ou de ne pas manger, malheureusement. Ouais. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les discussions que vous avez eues. Et ce qui apparaît clairement, c'est que quand on est coupé des circulations des denrées, assez vite, la pénurie s'installe et à un niveau qu'on avait rarement vu au XXe siècle. Oui, on est obligé, effectivement, de faire avec ce que l'on a sur place. Et ce que l'on a, c'est justement... ce que l'on n'avait pas auparavant, enfin ce qu'on avait beaucoup d'autres choses auparavant, dû à cette circulation mondiale, et c'est ce que vous expliquez bien dans votre exposition. Alors effectivement, disparaissent assez vite les produits d'Algérie, les oranges, le vin, le thé, et puis il faut pas oublier non plus qu'il y a d'énormes prélèvements allemands, donc même les produits qui poussent sur le sol français partent en Allemagne de façon extrêmement massive. Donc on va être obligé de manger des choses qui étaient là, mais qui servaient pas forcément à l'alimentation humaine, les rutabagas, les fameux rutabagas notamment, qui servaient de plantes fourragères. Donc on va assister à une sorte de concurrence entre l'alimentation des humains et du bétail, ce qui n'arrange pas la situation, évidemment, sur le marché de la viande. Alors, ce type d'exposition, c'est aussi pour montrer que cette question de l'alimentation, et quand elle n'est plus là ou plus accessible comme auparavant, est vraiment à la fois culturelle, politique, anthropologique, comme on l'a dit depuis le début de cette émission. Vous y montrez, par exemple, ce que l'on sait un peu depuis quelque temps, mais ça n'est pas assez popularisé, combien, par exemple, dans les moments de déportation, la question de se re-raconter des recettes, de se re-rappeler ce que l'on mangeait avant la déportation dans les camps nazis, eh bien, cela fait partie aussi d'une façon de continuer à vivre et à espérer, en l'occurrence, Isabelle Doré-Rivet. Oui, depuis quelques années, on voit rentrer dans nos collections des séries d'objets assez étonnants, des menus, des carnets de recettes écrits dans les camps. Et on réalise qu'un imaginaire alimentaire s'est fait jour dans ces situations où les gens mouraient de faim littéralement. Alors ça permet de retrouver effectivement ce qui est sa culture familiale d'origine. Ça permet aussi d'échanger avec les autres. On s'aperçoit que beaucoup de ces carnets de recettes sont en fait écrits à plusieurs mains, où chaque femme, c'est plutôt une pratique féminine, mais pas seulement, écrit des recettes de sa région, par exemple, voire de son pays, puisque les détenus viennent de plusieurs pays d'Europe dans les camps. Et donc on peut échanger entre plusieurs personnes, on y entendra effectivement, on y verra des recettes du docteur de Pomiane dont on a parlé dans le documentaire de mardi, celui qui était l'auteur de Cuisine et Restrictions. Le propre aussi d'une culture de guerre comme celle-ci, c'est la culture de la frugalité, expliquez-vous Isabelle Doré-Rivet. Oui, on doit développer bien sûr des stratégies de survie, et ça pour le coup c'est vraiment aux femmes que ça incombe. Et donc assez vite dans l'éducation des filles, on introduit cette dimension que la frugalité ça a quelque chose d'assez moral finalement, et que la défaite de juin 1940, elle vient peut-être du fait que la France a trop consommé, trop jouisseuse en l'occurrence. Trop jouisseuse de divers plaisirs, dont des plaisirs alimentaires, et c'est vrai qu'on voit notamment que la consommation de viande a beaucoup augmenté entre les deux guerres. Et donc il y a toute une dimension morale que l'État français, le gouvernement de Vichy, essaie de plaquer par-dessus cette nécessité absolue qui est celle des restrictions. Christian Gartalou. Oui, dans l'histoire de l'invention des régimes alimentaires européens au XIXe siècle, il y a un moment qui, bien sûr, n'est pas dans la violence des restrictions, comme disaient mes parents quand ils désignaient l'occupation, pour désigner la période des restrictions, qui est, au début du XIXe, la période du blocus continental. Mmh. C'est au moment où se mettent en place, justement, des tas de pratiques alimentaires et où, bien sûr, le sucre de betterave va être la substituabilité, comme disent les économistes, la plus nette, qui est importante pour le petit déjeuner, mais la chicorée, par exemple, qui est un autre exemple, et c'est l'orge grillée, puisqu'on était déjà très accro au café. L'orge grillée qu'on va retrouver sous l'occupation, c'est quelque chose qui peut s'apparaître dès le début du 19e. Oui, pour remplacer le café en particulier, pour l'orge grillée. Denis Saya. Autre exemple très connu, bien entendu, la guerre 14-18, l'Allemagne, victime du blocus, le pain cas, etc. Là, on peut renvoyer à un colloque de Dijon qui a été publié, hein, Manger en 14-18. Il y a de très beaux articles sur ces privations pour la population civile allemande, surtout à la fin de la guerre, hein, 17-18, ça devient catastrophique. Il y a des gens aussi qui meurent de faim. Mmh. C'était peu connu jusqu'à maintenant. Et j'en profite pour dire, hein, je l'ai vu, l'exposition, je félicite Isabelle Doré, l'exposition de Lyon est vraiment magnifique sur un sujet terrible. Mais vraiment une exposition à voir. Oui, et vous avez d'ailleurs, pour cette exposition, Isabelle Doré-Rivet, vous avez aussi été chercher les témoignages, les souvenirs, pourrait-on dire, des Lyonnais et des Lyonnaises, justement, de cette période des restrictions. Ils se souviennent évidemment de la nécessité de faire la queue, de l'attente, du pain gris en particulier, qui était le quotidien, des topinambours. Et on se demande, au bout du compte, ce qu'ils ont gardé de ce souvenir, s'il n'y a pas aussi les récits depuis que l'on a pu avoir de cette période de l'occupation et des restrictions qui ont fini par percoler ces récits avec leurs propres souvenirs, en l'occurrence Isabelle Doré-Rivet. C'est certain que le souvenir le plus prégnant dans les familles, c'est sans doute celui des restrictions, si tant est que la famille n'a pas subi des choses encore plus graves, bien sûr. Déportation notamment. Et ça nous a semblé intéressant. Alors, en l'occurrence, on a aussi travaillé avec des étudiants en anthropologie, des étudiants en licence d'anthropologie. Ce qui prouve bien ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que pour travailler sur ces questions de l'alimentation, il faut être anthropologue, sociologue, historien, géographe. Oui. Et nos jeunes étudiants sont allés réinterroger des témoins qu'on connaissait pour d'autres parcours, des gens qui ont été déportés ou qui se sont engagés dans la résistance et à qui on a demandé de parler de ce quotidien. Il en est sorti des choses assez émouvantes. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est que c'est 10 ans de restriction, finalement, puisque les cartes d'alimentation en sont supprimées en 1949 seulement. Ça a considérablement marqué les pratiques alimentaires de toute une génération, et sans doute de deux, peut-être même de trois. Ça s'arrête clairement avec la génération de nos enfants, adolescents ou jeunes adultes, qui n'ont plus du tout ce respect de la nourriture. Et ces pratiques de conservation, vous voulez dire aussi, les conservations des restes. Conservation, oui. Et ça, ça remonte, selon vous, à justement cette période des restrictions pendant la Seconde Guerre mondiale, en partie. Oui, cette habitude de stocker. On a tous eu des grands-mères dans les placards regorgés de bottes de conserve et de paquets de sucre, j'imagine. Cette tendance à ne rien jeter, à calculer au plus juste les portions, ce qui se trouve un peu moins maintenant. Votre exposition devait se terminer ces temps-ci, et en fait, devant le succès, vous la continuez encore un peu au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, Isabelle Doré-Rigué. Oui, absolument, on la continue jusqu'à la fin du mois de février, parce qu'on n'arrive pas à observer tout le flux du public qui souhaite la visiter. Et c'est aussi un espace d'échange intergénérationnel qui est assez sympa au sein des familles ou entre visiteurs de différentes générations. On surprend des conversations très intéressantes. Merci à vous d'être venu témoigner justement du succès de cette exposition. Les jours sans, donc, au Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon. Je rappelle que le colloque auquel vous participez, Sylvie Sanchez, et vous, Christian Grataloup, s'intitule « Les aliments voyageurs », que c'est demain à Montpellier. Vous y parlerez du petit déjeuner, mais également de la pizza et de bien d'autres sujets. Et Denis Saillat, on peut vous lire entre autres dans « Gastronomie, identité culturelle française » ou encore le livre collectif « Le goût des autres » qui a été donc coordonné par Didier Francfort. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Myriam Guillot nous a accompagnés à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Et vous le voyez, le sujet est assez vaste pour qu'on y revienne de temps en temps dans la Fabrique de l'Histoire, parce qu'il y a largement de quoi raconter autour de ces questions de culture, de l'alimentation et de son histoire.